Rajoute-nous quand même un peu de sousaphone. Merci Kix. Avec plaisir. Mais non, tu peux pas parler. Tu sais où t'adore. Quel abruti celui-là. Non mais sans rire. C'est le mec, vous savez, qui est en télétravail et qui décroche à son patron en disant « Attends, je suis en train de faire une partie de PlayStation, là. Oh là là. » Oh là là, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver. La minute tactile de Maëva arrivera dans quelques instants, ça va parler de notre smartphone. Oui, de savoir si vous le nettoyez. Ah, Kix, un avis là-dessus. Ouais, je vais le faire en plus, alors ne regardez pas le mien. Ah, si vous voulez du beurre pour faire une tartine, prenez son téléphone, vous raclez. Oui. Alors, je vais te conseiller d'être très attentif pendant ma chronique. Je le serai, promis. On va faire un grand moment dans cette émission. On vous l'a assez rappelé, Maëva vient du borinage. Oui, voilà. Donc, ça veut... borine. Oui, ça veut dire que... Oui, le borine, ça, je sais pas, mais... Mais non, on est bourré, nous, on l'est nié. Ça vient de... Oula. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? C'est une chanson. Purée, si j'avais su, je t'aurais dit de la télécharger. C'est la chanson « On est bourré, ou on l'est nié. Ça vient de famille, on n'y peut rien. On se fout des feux de Bambara. On sera bourré, tant que l'on vivra. » Ah oui. Vas-y en rythme. Je vais mourir hein. Non, c'est pas ça le bon rythme. Il y a vraiment une fanfare derrière la chanson. Je sais pas, on n'a pas d'autres fanfares en stock pour puisse aider Maëva dans son truc. Enfin, qu'elle le fasse. Je l'ai fait une fois, c'est bien. Non. Tu l'as fait, toi, vas-y, on essaye. 1, 2. Mais non. On est bourré au bon dîner. Ça vient de famille, on n'y peut rien. On se fout des feux d'embarras. On sera borégne tant que l'on vivra. Merci. Vous avez vu, hein, cette émission est réalisée en direct, hein, sans filet. Là, il n'y a plus aucune règle de radio qui se tient. S'il y avait des patrons de radio qui nous écoutaient en se disant « Tiens, on ferait bien la grille de la rentrée avec eux. » Et qui se connectent et que là, ils entendent « On est bourrés, on est... » Non mais là, c'est mort. Ah putain, je ne vais pas finir l'émission. Je vais mais c'est du avant. Belge, ben non, on promouvoit les régions belges. C'est je trouve vrai. Que c'est très bien. Ah là là. Non, mais bon oh. Allez, attention, on se concentre, on démarre. Voici un rapide tuto, comment comprendre un belge? On oublie parfois que la plupart des expressions que l'on emploie au quotidien sont des belgicismes. Maëva vous donne l'expression, je la traduis et Kix vous la remet dans le contexte. À Outsiplou. Dans un trou perdu. Ça m'aiderait vraiment à Outsiplou, j'ai des preuves de transport avant d'y arriver. À Tnaise. À ton aise. À Tnaise, on a tout le temps. Brosser les cours. Sécher les cours, faire l'école buissonnière. Ma mère a appris que j'allais brosser les cours, alors je vais passer un mauvais quart d'heure. Ça m'a bien goûté. Cela m'a bien plu. En tout cas, ce petit plat m'a bien goûté. Ça peut mal. Il n'y a pas de danger, cela ne risque rien. Ça pas mal de laisser ma voiture ici. Ça spite. Cela éclabousse. Quel imbécile d'avoir laissé la sauce tomate sur le gaz. Ça spite partout maintenant. En arriver une belle à quelqu'un. Lui arriver quelque chose d'étonnante ou fâcheuse. Il m'en a encore arrivé une belle, tiens. Faut que je te raconte. Être dur de comprenure. Être long à la détente. 15 minutes quand je t'explique la même chose, t'as vraiment dur de comprendre? Jouer avec les pieds de quelqu'un. Abuser de la patience ou la compréhension de quelqu'un. Ce quête commence vraiment à jouer avec mes pieds, hein? Il drache. Il pleut, averse. T'as vu comment il drache dehors? Je n'ai même pas mon parapluie. Combo spécial. Ça la drache nationale dans l'ici. Il fait laid. Il fait du mauvais temps. Qu'est-ce qu'il fait laid dehors? Moi je m'en sors pas. Mettre du sang bon. Mettre du parfum. Tu vas tout de même parler à ton premier rencard sans mettre du sang bon. Allez, viens ici. Mordre sur sa chic. Encaisser, prendre sur soi. Mordre un peu sur ta chic. 5 minutes, c'est fini. Se disputer pour des queues de cerises. Se disputer pour rien. Les gens se disputent vraiment pour des queues de cerises. Il y a bien plus important. Tirer son plan. Se débrouiller. Je ne vais pas tout expliquer. Tire ton plan une fois. Savonner sa maison. Laver sa maison. Dimanche dernier, il faisait beau. J'ai rangé et savonné ma maison. Ouf. Bon bah voilà, vous avez toutes les clés maintenant pour comprendre un belge et essayer de faire un dialogue constructif avec lui. Est-ce qu'il y en avait là-dedans que vous ne connaissiez pas ou du moins que vous avez redécouvert ou appris? Ah oui, être dur de comprenure. Ouais, moi ça j'avais déjà entendu moi. Ah non. Kix? Non, là pour savonner sa maison, ouais peut-être. Mais après ça reste un peu. J'aime bien savonner sa maison, j'aime bien. Nous c'est rassourer la maison. Pardon? Rassourer. Oh là. Rassourer. Nettoyer, ouais. Je peux venir manger chez vous un dimanche. Juste comme ça pour m'imprégner, tu vois.